Le nouveau magasin Canadian Tire du secteur de Dolbeau vous invite à venir voir le plus grand choix de pneus d'hiver avec toutes les marques à des prix imbattables. De plus, nous vous invitons à voir nos spéciaux dans la circulaire Publisac distribuée tous les mardis. Canadian Tire, 1751 boulevard Vézina, Dolbeau-Mistassini, 418-276-2385. Le propriétaire du magasin Canadian Tire, Monsieur Ken Bennett, vous invite à acheter localement pour préserver nos emplois chez nous. Pour vos différents travaux en mécanique, l'équipe de Jean Lapierre Mécanique est la solution. Une équipe d'experts qui saura bien vous conseiller et ce, à prix fort compétitif. De plus, nous faisons la réparation et la vente de remorques et nous sommes détaillants autorisés de la marque Gator. Jean Lapierre Mécanique, au 448 Principal à Saint-Prime, au 418-251-1394. Toute notre équipe est fière de commanditer la chronique du hockey mineur de Robertval avec Hugo Maltais et souhaite une bonne année à tous les joueurs. On va parler avec Hugo Maltais du hockey mineur. Cette commandite ou cette chronique est une commandite de Jean Lapierre Mécanique de Saint-Prime. Salut Hugo! Salut! Hugo, d'abord, j'ai eu une idée. La semaine passée, on n'a pas eu de chronique, on n'a pas été capable de se parler. J'ai eu une idée. Tu sais que les Saguenayens, l'année prochaine, ça va devenir un classique. Là. Est-ce que les Marquis de Jonquière pogneraient autant que les Saguenayens dans le haut du lac? Même principe, mais les Marquis. Sûrement. Okay. Il y a une clientèle de gens, je pense qu'au lac Saint-Jean, il y a une clientèle de gens qui vont quand même à Jonquière pour le senior. Okay. Est-ce que match hors concours senior ou match de saison régulière senior aurait une différence au niveau de l'affluence, ça je le sais pas, parce que tu sais, dans le junior majeur, c'est des matchs hors concours parce que c'est le nombre de spectateurs en saison régulière, ils peuvent pas aller dans des arénas de moins de tant de personnes. Est-ce que pour match hors concours des Marquis, est-ce que j'aurais une aussi grande influence que les Saguenayens? Probablement, c'est une bonne probablement persuadé qu'une vraie game de saison, une vraie partie de saison, probablement, ça, c'est sûr que ça attirerait beaucoup. Ça, je suis persuadé de ça. Okay. Pour le match hors concours, c'est pas... Parce qu'il y avait eu 800 spectateurs. Hein? On me dit qu'il y avait eu 800 spectateurs à Robertval il y a 4 ans. Il y a 2011. En 2011, v'là 7 ans. T'étais pas au hockey mineur, dans le temps? Non, je n'étais pas hockey mineur, mais je sais qu'il y a une clientèle. Je sais qu'il y a des gens de Robertval, puis le produit des Marquis dernières années est super intéressant. Puis moi, j'ai des gens que je connais à Robertval, là, puis qui fréquentent les arenas, puis qui me disent ben maintenant, le produit du senior est aussi bon que le produit des Saguenayens. Ça joue hockey, c'est bon, c'est intéressant. Fait que il y a une clientèle, une population pour ça. Je me suis jamais arrêté à l'idée, est-ce que ça serait aussi populaire que les Saguenayens? Probablement. Ça, pour le savoir, il faudrait l'essayer, hein. C'est ça le problème. Ça prendrait quelqu'un qui l'essaye, qui dit, ben, regarde, c'est une très bonne avenue, puis peut-être que les coûts fixes par rapport à ces équipes-là sont moindres aussi que le junior majeur, parce qu'à quelque part, le junior majeur, c'est faux. Il ne faut pas se le cacher. Là. C'est quand même. On fait de l'argent, mais c'est pas donné quand même. Non. C'est des coûts fixes qu'on donne aux équipes. Mais ça pourrait être une avenue intéressante. Des fois, si le produit coûte moins cher, peut-être que tu peux attirer moins, mais au bout de la ligne, tu vas faire la même masse d'argent. Non, c'est parce que je me disais ça, parce que c'est win-win pour les SAGs. Parce que je pense que là, ça. Tant aussi longtemps que ça va être cette administration-là, on peut être certain que ça va être un classique, qu'il y aura un match au concours l'an prochain ou encore au haut du lac. Est-ce que ce sera Saint-Félicien? Est-ce que ce sera Dolbeau-Mistassini? Est-ce que ce sera Robertval? On va le savoir probablement l'an prochain. Je pense que Saint-Félicien va lever la main, puis c'est tout à fait légitime. Là. Sauf qu'à quelque part... Ben, c'est sûr. À quelque part, Je me dis, regarde, pour le perdant, pour les Marquis, ça pourrait être intéressant. Puis si c'est win pour les Saguenayens, oui. Si win-win pour les Saguenayens, pourquoi ça ne serait pas pour les Marquis? Ben, c'est clair. Là-dessus, tu as 100% raison. Si c'est gagnant pour une organisation, c'est gagnant pour l'autre aussi. Ça, t'es 100% dans le mille par rapport à ça. C'est pas discutable. C'est clair que c'est la même avenue. Je me dis que les c'est sûr que c'est peut-être moins cher qu'un tournoi. Ça va peut-être moins qu'un tournoi pour les organisations. Par contre, c'est moins d'ouvrage aussi. Tu sais, les Saguenayens. Alors, c'est sûr. Non. C'est clair que c'est moins. C'est au niveau des bénévoles, puis au niveau de la quantité d'heures, ça demande moins. Puis je veux dire, je sais pas, là, tu sais. Je prends de le beau, ben dans une fin. Si on fait 10 ou 12 000 $ par exemple, ouais. Tu sais, je veux dire, c'est plus, ça peut même être plus qu'un tournoi qu'ils ont fait dans une soirée. Ouais. C'est aussi, puis moi, si j'ai fait 6 000 l'an passé, on parlait de 6 000 l'an passé, le 6 000 que j'ai fait, c'est pas loin de la moitié de, ça ressemble à la moitié déjà de mon tournoi en une soirée, là. Fait que, tu sais, je veux dire, c'est pas négligeable. Faut dire pour les gens qui ne savent pas, là, pourquoi il y a une différence, c'est tout simplement parce qu'il y a Desjardins, ici à Dolbeau, qui a doublé la mise jusqu'à concurrence de 5 000 $ donc, c'est ça la différence qu'il y a eu entre Roberval et Dolbeau. Entre Roberval et Dolbeau, c'est en plein ça. C'est ce partenariat-là qu'il y a eu qui a fait que. Ouais. C'est des beaux moyens de financement. Oui, c'est et ça. Pour beaucoup moins d'ouvrages puis d'heures de bénévolat que tu donnes. Donc, c'est clair qu'il y a quelque chose d'intéressant. Là. C'est une belle avenue pour peu importe leur criminel qui le fait. C'est un méchant beau moyen de financement. Les élites, c'est pas assez gros, ça j'en conviens. Mais par contre, les Marquis pourraient être aussi gros que les Saguenayens. Donc, ça reste à voir, parce que moi, j'ai lancé l'idée comme ça. Je sais même pas, j'ai même pas fait de démarche auprès de l'organisation des Marquis. J'ai pas posé la question. Par contre, je peux te dire une affaire. C'est la personne qui va peut-être essayer de prendre le risque, ça va être facile de convaincre les Marquis, parce qu'on dit, regarde, c'est payant pour vous. C'est win-win pour les Sags, pourquoi ce serait pas pour les Marquis? Puis on me dit qu'il y a 20% de la clientèle qui vont au Marquis qui viennent du lac Saint-Jean. Ben moi, je suis d'accord. Je suis d'accord avec ça. Je suis surpris, moi, le nombre de gens que je connais qui vont au rempart, au Marquis, puis qui me disent, ben regarde, Hugo, on pourra organiser aller au Marquis, puis c'est surprenant. Honnêtement, là, je suis surpris par le nombre de... Je pensais pas qu'il y avait autant de gens de mon coin de Roberval qui vont voir les Marquis, puis qui, tu sais, c'est plus dans les années 90-2000, puis il y avait 15 bagarres par game, là. Okay. Les joueurs qui jouent là, ont quand même des gros bagages d'hockey. Ben pour Dolbeau Mississippi, l'an prochain, je pense entre autres pour Dolbeau Mississippi, ce serait peut-être une avenue à regarder, parce qu'il y a deux joueurs de Dolbeau, qui est Simon Tremblay et Philippe Paradis, qui sont pour les Marquis. Oui. En tout cas, moi je me dis ça. Oui, j'ai hâte de voir ce qui va arriver avec les Saguenayens. Par contre, là, c'est sûr que normalement, la logique voudrait que c'est Saint-Félicien qui lève la main. Mais là, si Saint-Félicien lève pas la main, ça va retourner à Roberval. Fait que, tu sais, à quelque part, tu sais, je me dis ça, là. Donc, ça va être très intéressant de suivre l'an prochain qui ça va être. Hey, Hugo, on va parler du hockey mineur Saint-Pélette. Parle-moi de ce qui s'est passé. Les ligues sont lancées depuis 2 semaines. Ouais, les ligues ont commencé. Là, on est en début de saison. Les rodages, là, nous, cette année, avec nos baisses de clientèle, là, on a quand même, avec Mastoyache, une baisse de clientèle quand même marquée. Là. On a juste une équipe Saint-Pélette dans le midget, dans le bantam puis dans le TV. Habituellement, traditionnellement, on avait 2 équipes. Là, en ayant juste une équipe par catégorie, ben ça demande quand même des ajustements. Là. Il y a des choses là qui sont différentes. Le calibre est ajusté. Avant ça, tu avais un A, un B. Ben là, tu te ramasses à une équipe par catégorie. Ben, tu as des jeunes qui jouent dans la A qui sont de calibre A, mais tu as des jeunes qui jouent dans la A aussi qui sont de calibre B. Fait qu'il y a un ajustement par rapport à ça aussi pour les objectifs. Puis c'est pas tout le monde qui a les mêmes buts, les mêmes visées là-dedans. Fait que ça va quand même bien. Là. On a eu un CA nous hier. Là. Les équipes, il y a quand même une bonne collaboration, mais il y a un ajustement à faire là, par rapport à tout ça. Sinon, où est-ce que j'ai mon atome? Où est-ce que j'ai un A, puis un A, un B? C'est sûr que c'est un A, deux B. C'est sûr que c'est plus facile à ce niveau-là, parce que là, tout le monde est dans la bonne catégorie, tout le monde est dans la bonne chaise. Puis, quand tout le monde est dans la bonne chaise, ben c'est plus facile dans ce cas-là. OK, OK. Donc, du côté de l'atome 2B des cassettes. Ben, mon atome 2, ouais, ouais. Mon atome 2B a commencé depuis la fin septembre. Sont encore invaincus. Donc, on a une bonne. Cette année, on a encore une bonne édition à Robertval. Quoique pas nécessairement autant dominante que les autres années, ou du moins la compétition, je pense, va être plus forte cette année. Il va y avoir une meilleure répartition des forces cette année, je pense, dans la Ligue Atome. Okay. Ce qui va faire en sorte là que je vais figurer, je pense, encore dans le top 3 de la Ligue, top 3 de la Ligue, mais on va falloir là, travailler d'arrache-pied là, pour garder une de ces trois premières places. OK, OK. Donc, ça fait pas mal le tour pour cette semaine? Oui, ça fait le tour pour cette semaine. OK, donc on s'en reparle même pas. On rappelle évidemment que c'est une commandite de Jean-Lapierre Mécanique.